Chapitre 4. Il faut, pour la prolongation du bonheur conjugal, une réunion difficile à rêver de vertus, d'abnégation, de convenances réciproques, et même de hasards extérieurs. Pour rendre une liaison mondaine, je ne dirais pas longtemps délicieuse, mais longtemps possible, il faut un assemblage de conditions bien autrement rares. Les caveaux du Panthéon suffiraient pour la fin du siècle, à la sépulture des maris qui ont eu le talent de garder jusqu'au bout leurs femmes fidèles tout en les gardant heureuses, qui ont su en faire des saintes sans en faire des martyrs. Mais que penser de l'homme prodigieux qui, pendant une longue période de la vie, a retenu dans la cage aux 100 portes du volontariat de l'amour ces oiseaux délicats que les barreaux légitimes blessent si facilement et emprisonnent si mal? Cet homme a dû posséder tout à la fois le génie, la prudence, la séduction, la poésie, une connaissance achevée du cœur, un empire constant sur soi, un dévouement sans bornes. Il a été Richelieu, Don Juan, Balzac, Musset, Platon et Vendredi. Oh, le rare, l'étonnant, le précieux homme! Peut-être, cher Ancy, ne possédait-il pas absolument toutes ces qualités, mais il en avait un certain nombre, principalement les plus utiles en pareil cas, c'est-à-dire les négatives. Il n'était plus assez jeune pour s'allumer d'une de ces flammes claires qui durent peu. Il n'était plus assez naïf pour courir le risque de briser son idole en la huchant sur un piédestal perdu dans la nue. Trop peu vaniteux pour compromettre son bonheur en l'ébruitant, trop peu maltraité par la vie pour être endurci, sa félicité ici-bas n'avait pas été, d'autre part, assez complète pour le rendre égoïste. Il n'avait point de parents pour lui imposer la dépendance, ni même de marraine pour le vouloir marier. Il n'avait qu'un petit nombre d'amis, pas beaucoup de fortune, aucune ambition. Son art n'était pour lui ni une passion absorbante, ni un gagne-pain obligatoire. Il mettait rarement le pied dans le bureau d'un journal et n'avait jamais lu Schopenhauer. Voilà, me direz-vous, un personnage de roman que l'auteur ne flatte guère. Patience. Je vois venir le moment où vous m'accuserez de vous peindre un héros invraisemblable. Tel est, en effet, le reproche que l'on risque à vouloir conter des histoires vraies. Au fond, la liaison de Chérency avec Madame Fresnel était née d'un malentendu. Le premier n'avait voulu autre chose que faire un tableau de genre un peu nouveau, dont le hasard lui avait donné l'idée. La seconde, avec une imagination tendue par les rêves solitaires de sa vie, construisit, à propos de cette toile trouvée un jour au salon, tout un roman de passion respectueuse et délicate, cet idéal des cœurs féminins bien nés. Il m'aime. Il m'a regardé dormir une nuit entière. Il m'a volé une rose. Avec cela, pas une parole. Pas une tentative indiscrète pour me suivre et savoir qui je suis. Seulement une peinture faite de mémoire, comme il s'est souvenu des moindres détails, venant me prouver qu'il pense à moi. Combien de temps y pensera-t-il? Ainsi, ce peintre gentilhomme avait fait de la poésie sans le savoir. Ou plutôt, on s'était chargé de la faire pour lui, ce qui ne la rendait pas plus mauvaise. Dès le premier jour, Nadia s'était jurée que le tableau peint pour elle trouverait sa place chez elle, mais sans que son auteur le sût. Il lui semblait que cette ébauche de roman perdrait de son charme si le mystère s'évanouissait. Mais comme on l'a vu, les précautions prises pour rester toujours l'inconnu du wagon avaient tourné contre elle. Mise en présence sur un terrain si bien préparé, ils se trouvèrent tout d'abord dignes l'un de l'autre. L'isolement égal de leurs existences, une sympathie puissante, les rapprochèrent. Bientôt, Nadia ne se trompa plus en se croyant aimée. Bientôt, elle aima. Ils se donnèrent l'un à l'autre et entendirent sincèrement se donner pour la vie. Non seulement leurs bouches le dirent, ce qui est l'habitude, mais leurs cœurs le jurèrent de tous leurs désirs et de toutes leurs forces, sans précipitation folle. Au contraire, avec un recueillement grave. Sous la joie fervente qu'ils éprouvaient à faire voile pour l'éternel Orient de l'amour vrai, ces deux compagnons sentaient l'émotion du départ pour un long voyage. Ce fut ainsi qu'ils laissèrent flotter le vaisseau fragile qui emportait leur vie confondue. Et lorsque la dernière amarre coupée, Nadia rouvrit les yeux pour voir fuir le rivage austère quitté pour jamais, elle ne put retenir ce cri, premier aveu d'un trouble qui ne devait plus abandonner son âme. Ah, Dieu, si Claire savait! Ils connurent, je pense, à peu près dans sa plénitude, le bonheur que peut donner ce qu'on nomme dans le monde une liaison ignorée. Le monde n'en accepte pas d'autres. S'il les accepte, direz-vous, c'est qu'il ne les ignore pas. Ou comment peut-il les accepter s'il les ignore? C'est un des nombreux mystères que le monde propose à la méditation des sceptiques. En réalité, il ne les ignore pas souvent, mais dans l'occasion, l'ignorance fut complète. Au prix de quel sacrifice, Paul et Nadia pourraient seuls le dire. Sacrifice tellement dur que je sais peu de gens qui voulussent d'un bonheur acheté si cher. Pendant 4 ans, ils eurent, pour cacher leur amour, les mêmes rues savantes qu'une tribu indienne emploie pour cacher son camp dans l'immense forêt semée d'embûches. Pendant 4 ans, Gérancy n'alla chez Madame Fresnel qu'à des heures convenues d'avance, où il était certain de la trouver seule, et dans les rares occasions où elle réunissait un petit cercle, il s'abstenait le plus souvent d'y paraître, ayant éprouvé sur d'autres avec quelle facilité en pareil cas, le moindre incident trahit certains mystères. Jamais on ne les avait rencontrés seuls à la promenade ou dans un lieu public. Les concerts, les théâtres leur étaient fermés, et cette privation des plaisirs de l'esprit savourés en commun était pour eux l'une des plus lourdes. Mais ce qui faisait surtout souffrir Nadia, douée d'une jalousie peu ordinaire, c'était de ne pouvoir suivre dans le monde l'homme qu'elle aimait. Non seulement ils ne recherchaient pas les occasions de s'y retrouver, mais invités quelque part ensemble, l'un d'eux refusait. Parfois, l'été, dans quelques villages perdus hors des frontières, ils se rejoignaient avec des ruses de malfaiteurs traqués par la police. Grâce à cette prudence rare, jamais démentie, ces deux complices étaient parvenus à tromper le monde, mais Nadia se serait peu souciée de passer pour un ange aux yeux du monde entier si les grands yeux sévères de sa cousine avaient pu deviner sa faute. Après l'avoir enviée comme la plus heureuse des femmes, elle la craignait à cette heure comme la statue vivante du devoir jamais trahi. Dès l'enfance, bien que Claire fût la plus jeune, elle avait pris un ascendant étrange sur la petite orpheline devenue sa compagne par l'adoption. Et dans les accès de colère terribles qui parfois s'emparaient d'elle, Nadia, souvent, s'était calmée à cette menace de Claire. « Tu sais, je ne t'aimerai plus. » Aussi, lorsque Madame Fresnel, peu de mois après le commencement de sa liaison, vit approcher l'époque de la visite annuelle de Claire, elle sentit l'effroi d'un caissier prévaricateur à la veille de l'inspection. « Voulez-vous, disait-elle à Paul, connaître la meilleure preuve de mon attachement pour vous ? Je serais presque soulagé d'apprendre que ma cousine ne peut venir. Pourquoi ? Vous n'êtes pas que je sache obligé de choisir entre nous. À Dieu ne plaise que ce choix me soit imposé jamais. Sans vous, je mourrais de chagrin. Sans elle, je mourrais de honte. Ah, chère, qu'elle ne sache rien, ce serait la fin de tout. » Ainsi parlait Nadia dans ses jours de calme. La comtesse de Chalonne arriva. Sa cousine, tremblante, alla, comme d'habitude, l'attendre à la gare. Ce furent les mêmes baisers, la même tendresse passionnée, en apparence. Claire ne s'aperçut point que le dessus du panier n'était plus pour elle. Une seule chose lui sauta aux yeux. « Mon Dieu » s'écria-t-elle, « comme tu es embellie !» Heureusement, la comtesse n'était point méfiante. Si elle lui demandait le pourquoi de cet embellissement suspect, elle l'eût fort gênée, la pauvre Nadia, qui n'avait jamais su dire passablement un mensonge. Paul, consigné comme de raison, n'avait même plus la permission de passer la scène. Que Madame Fresnel mit le pied chez lui, c'était une chose à laquelle aucun des deux ne songeait. Aussi commençait-il à maudire la province, les provinciaux et leurs visites dans la capitale. Par bonheur, il savait écrire, et Nadia aussi. 2 fois par jour, ils se contaient leurs peines, parlant des moindres détails de leur vie, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils faisaient, et aussi, hélas, de ce qu'ils ne faisaient pas. Mais bientôt, la quarantaine fut levée, et précisément par les soins de celle en l'honneur de qui on l'avait établie. Madame de Chalonne n'avait pu revoir la fameuse toile en wagon sans s'informer du peintre. Et comme Nadia, qui après tout n'était pas sans avoir fait quelques progrès dans l'art de dissimuler, donnait une réponse froide et parlait de quelques rares visites qu'elle avait reçues de Paul. « J'aime autant, reprit la sévère cousine, qu'il t'ait laissé en repos, bien qu'il n'ait point l'air d'un homme à conquête. C'est justement pour cette raison qu'il me plaît fort. Et puis, il réunit 2 qualités entre lesquelles généralement il faut choisir. La sûreté des rapports d'un homme du monde et le pittoresque brillant d'un artiste. J'aurai le plus grand plaisir à le voir. ne viendra-t-il pas une fois chez toi pendant mon séjour ?»« Je ne pense pas, à moins que nous ne l'invitions, » fit Madame Fresnel qui cette fois disait la vérité. Quelques jours après, une lettre officielle due à la collaboration des deux cousines, qui en avait pesé chaque terme, informait Paul de la présence à Paris de la comtesse de Chalonne et du plaisir qu'elle aurait à le voir, plaisir partagé par Madame Fresnel. Conclusion, une invitation à passer la soirée chez cette dernière pour le surlendemain en très petit comité. Un mémorandum secret de 8 pages, bourré d'instructions confidentielles, accompagnait cette invitation. « Vous voilà, disait-on en finissant, régulièrement obligé à une visite. Soyez à 3 heures chez moi. Vous m'y trouverez seul et nous pourrons nous voir 25 minutes. Enfin, vous irez à 5 heures à l'hôtel Vouillemont. Elle n'y sera pas. À aucun prix, je ne veux de tête-à-tête entre vous deux. Elle m'a trop souvent parlé de mon peintre depuis 2 jours, et si elle venait à vous demander son portrait, refusez absolument. D'ailleurs, vous avez promis de ne plus peindre aucune femme d'après nature. Un modèle aussi séduisant est bien le dernier que je pourrais vous permettre. » Les 25 minutes du boulevard Saint-Germain furent consacrées presque entièrement à des recommandations de prudence, renouvelées le lendemain matin dans une longue lettre. La dernière phrase contenait cette menace suprême : « Si elle vient à soupçonner quelque chose, vous ne me verrez plus. » Et plus bas, ce post-scriptum trahissant une main fiévreuse : « Mais n'essayez pas de lui donner le change en lui faisant la cour, tout serait fini entre nous. » Aussi, malgré son usage du monde, Paul voyait arriver avec terreur le moment d'aller chez Madame Fresnel. Entre Scylla et Charybde, les vrais, il aurait eu pour louvoyer un espace raisonnable. Mais il devait, dans un salon de 15 pieds carrés, manœuvrer entre 2 femmes, sans exciter les soupçons de l'une et sans irriter la jalousie de l'autre. Heureusement, ce soir-là, Lucien Sireuil avait dîné boulevard Saint-Germain en trio avec les 2 cousines. D'abord, la conversation avait été fort gaie. Le vieux maître du barreau, avec ses cheveux gris, en eut remontré à plus d'un jeune confrère sous le rapport de la verbe. Après dîner, l'entretien prit peu à peu une tournure plus grave à propos d'un procès dont tout Paris parlait encore, et dans lequel Sireuil avait gagné devant les juges la cause d'une femme qu'il avait perdue devant l'opinion. « Quel dommage, dit Claire, qu'un talent comme le vôtre soit, pardonnez ma franchise, aussi mal employé. En aidant victorieusement certaines femmes à sortir d'une position fausse, vous les encouragez en quelque sorte à s'y mettre. « Chère madame, répondit Sireuil, vous parleriez autrement si vous entendiez ce que je répète 20 fois à mes clientes avant de plaider leurs affaires. Laissez-vous tromper, leur dis-je, laissez-vous ennuyer, laissez-vous voler, laissez-vous battre, mais ne vous séparez jamais. Une fois séparés, si vous vous conduisez mal, ce qui est probable, vous n'aurez plus l'excuse de la vengeance, et si vous vous conduisez bien, personne ne voudra croire à votre vertu. » Joli raisonnement, fit la comtesse. Au moins a-t-il pour effet de persuader quelquefois celles qui l'entendent. Jamais. Quand une femme a franchi le seuil d'un avocat, c'est fini. Elle croit avoir respiré libre, avoir franchi le Rubicon de l'indépendance. Savez-vous ce qui pourrait l'arrêter si elle a quelque fierté au cœur? Ce serait un stage dans le monde des gens séparés. Passe encore pour les femmes qu'on y trouve. Une femme est toujours une femme. Elle fait toutes choses gracieusement, joliment, proprement, mais il y a les hommes. Ah oui, fit Nadia. Il est curieux d'observer la nuance qui se trahit chez les mieux élevés quand ils parlent à une femme séparée. Pourquoi cette tâche dans les mœurs d'une société qui a pour devise tout pour la femme? Doucement, corrigea Sireuil, tout pour la femme et par l'homme. Les Françaliens, nos pères, nous ont laissé au fond le mépris de la femme seule. Au plus beau temps de la chevalerie, nous n'en voulions pas pour reine. Aujourd'hui, nous lui disons volontiers des bêtises dans la rue. Nous ne lui accordons qu'un droit, celui de voyager dans un wagon orné d'un écriteau. Encore, il est ridicule, et je gage qu'aucune de vous, mesdames, n'y voudrait monter. C'est vrai, dit Claire. Il me semblerait que je vais en 4e classe. Mais malgré tout, cher maître, je vous trouve trop absolu, car enfin, dans certains cas, nous le savons, la séparation est un devoir pour la femme. Certes, répondit gravement l'avocat. Une fois dans le cours de ma carrière, j'ai pu dire à ma cliente, il faut vous séparer. Aussi, je suis resté son ami respectueux et sincère. Il baisa la main de Nadia et reprit au milieu d'un silence ému. « Eh bien, voulez-vous savoir ce qu'il y a d'affreux dans la séparation, à moins que la victime n'ait un grand nom, une grande fortune, de grandes alliances? Car alors, la situation est tout autre. C'est que, même irréprochable comme celle-ci, la séparée doit choisir entre ces deux tristesses, vivre en recluse ou jouer le rôle d'un chien sans maître, voler tôt ou tard s'il a du prix, rebuter partout dans le cas contraire. Que serait-ce si je vous parlais des enfants ? Assez, dit Nadia, les larmes aux yeux. Quand je m'oublie dans ces réflexions, le désir me vient de disparaître derrière une grille. Ah, par exemple, répliqua Sireuil, qui n'était pas dévot, c'est ici que la chose a du bon. Je vous défie bien, cher ami, de trouver un seul couvent qui se charge de couper ces superbes cheveux-là, tant que votre époux n'aura pas rendu à Dieu sa belle âme. D'ici là, en fait de gris, réfugiez-vous derrière l'affection de vos amis. » Au même instant, comme s'il eût entendu ces mots, Paul de Chérency fit son entrée. Il arrivait à propos pour faire diversion, et Sireuil, qui le connaissait, s'empressa de lui fournir l'occasion d'égayer un auditoire qui en avait besoin. Paul, agréablement surpris de trouver la mère libre d'écueil, remplit aisément un rôle qui n'était pas au-dessus de ses forces. Il eut de l'esprit, et les regards singuliers émus qu'il ne pouvait s'empêcher de jeter sur les yeux humides de Nadia furent mis au compte de sa bonté naturelle. Madame de Chalonne lui en sut bon gré, et sans s'en apercevoir, l'accapara peu à peu. Aussi bien, on l'avait fait venir pour elle. Depuis 4 ans, Chérency s'imposait bien des sacrifices. Mais on lui en avait rarement demandé d'aussi difficile que de ne pas répondre à la sympathie d'une femme intelligente et belle qui lui parlait de son art, louait son talent et jouissait, en provincial souvent rationné, de la conversation pittoresque de ce Parisien accompli. Nadia, de plus en plus renfrognée, causait distraitement avec Sireuil, qui s'évertuait à l'intéresser. 11 heures sonnant, les deux hommes se levèrent. Paul semblait enchanté de sa soirée. Un regard foudroyant lui montra qu'il l'était trop. Claire venait de lui dire qu'elle aurait du plaisir à le revoir. Pensa-t-il. Je crois que j'ai trop bien donné le change. Gare à l'orage pour demain. Un autre que lui devait voir éclater l'orage. Restée seule avec sa cousine, Nadia, sans dire un mot, s'approcha de la cheminée, changeant de place d'une main nerveuse les bibelots qui l'encombraient. Puis, comme Claire se préparait à retourner auprès de sa fille et endormie, elle la retint, la fit asseoir, se mit à genoux devant elle, et oubliant tout le reste pour n'écouter que la jalousie, la plus forte de toutes les passions, de tous les sentiments d'une femme, elle parla ainsi. « Claire, écoute-moi. Tu es heureuse. Tu dois être bonne. Tu as tout ce qu'une créature humaine peut souhaiter, une enfant qui suffirait au bonheur d'une vie, un mari dont tu peux être fière et qui t'aime comme le premier jour, une existence de souveraine dans un pays charmant au milieu de gens qui te respectent. Moi, je n'ai rien de tout cela. Un homme qui s'y connaît le disait tout à l'heure, je suis un pauvre chien sans maître. De grâce, calme-toi, dit Claire en prenant la tête de sa cousine dans ses bras. Tu es ingrate. Est-ce que tu n'as pas une sœur ? Laisse-moi parler, reprit Nadia. Écoute. Un homme bon, tendre, généreux, m'a réconcilié avec l'avenir. Je l'aime comme s'il n'y avait sur cette terre que lui et moi. C'est le premier amour de ma vie. Ce sera le dernier. Il est mon soutien, mon appui, le rocher où je me cramponne. Sage comme un père, dévoué comme toi, tendre comme je ne croyais pas qu'un homme pût l'être. Ah, si je le perdais maintenant, je serais bientôt morte. Nadia ! Sois révoltée, confuse, anéantie. Crois-tu que je ne le suis pas 100 fois plus ? Sais-tu ce que j'écrivais hier à cet homme en parlant de toi ? Si elle devait surprendre le secret de ma faute, j'aimerais mieux ne plus vous revoir. Comment ne l'as-tu pas deviné, ce secret ? Tu ne me regardais donc pas quand il est entré ? Mais à cette heure, maintenant que je vous ai vus ensemble, je te dis autre chose. Abandonne-moi, méprise-moi, va-t'en, ne reviens jamais. Raconte ma faiblesse à toute la terre, mais ne te fais pas aimer de Paul. Nadia, tu t'oublies. J'oublie tout, je suis folle. Je vous fais injure à tous les deux. Mais je suis si malheureuse. Depuis 1 heure, je vous observe. Je vois ses yeux qui t'admirent. ses yeux d'artiste qui trouvent en toi la beauté. Sa physionomie s'éclaire à tes paroles, sa voix vibre quand il te répond. Pourquoi as-tu voulu cette soirée ? À ces mots, Nadia fondit en larmes et cacha son visage sur les genoux de sa cousine. Celle-ci la caressait doucement sans répondre. Au bout d'un instant, elle dit « Pauvre ami, je te retrouve la même avec tes explosions folles et désordonnées d'autrefois. Mais ta petite Claire d'alors n'a pas changé non plus. Elle t'aime avec la même tendresse. Reprends ta raison, mon ami, ma sœur bien-aimée. Jamais je ne te ferai volontairement l'ombre d'une peine, plutôt souffrir mille tourments. D'ailleurs, tu sais bien, cher insensé, qu'un seul homme existe pour moi. Relève-toi, ne pleure plus. Jamais tu n'entendras de ma bouche une parole dure. Oui, mais que vas-tu penser? Je ne vaudrais pas ce que tu vaux, si j'avais souffert ce que tu as souffert. Voilà ce que je pense. Embrasse-moi. » D'un bond, Madame Fresnel se trouva dans les bras qu'on lui tendait. Déjà, elle ne pleurait plus. Même au fond du cœur, sa sévère amie la trouva trop vite consolée en l'entendant soupirer. « Ah, si tu savais comme je l'aime !»« Chut !» fit la comtesse. « Je t'ai promis de ne pas te juger, mais non de t'absoudre. Je serai ton confesseur avec l'oubli sacré et l'éternel silence. Ta confidente, non. Nous y perdrions trop, l'une et l'autre. Je ne sais rien, tu ne m'as rien dit. Et maintenant, si tu veux que rien ne change entre nous, tu vas me faire une promesse. Me séparer de lui, jamais !» s'écria l'impétueuse femme debout, les narines frémissantes. « Non !» fit Claire presque à demi-voix, avec une expression de tristesse profonde. « Ne te sépare pas de lui, car je ne pourrais plus t'estimer si j'avais à entendre une confession nouvelle. » Nadia se tut. À cette parole, si vraie, qu'aurait-elle pu répondre ? Après un court silence, elle demanda « Quelle promesse veux-tu ? » « Celle-ci, sur notre amitié, jure de lui laisser croire toujours que je ne sais rien. Tu ne voudrais pas me voir rougir pour toi, si de nouveau je le rencontre. Tu as raison. Je ne serais plus digne d'être ta sœur si je parlais. Maintenant, adieu, laisse-moi pleurer seule. » Claire de Chalonne était la plus honnête des femmes. Mais elle n'eût point été femme, si repassant dans son esprit la confession brûlante qu'elle venait d'entendre, elle n'eût pensé à la pénitente un peu moins qu'à la cause du péché. Quand sa voiture la déposa devant l'hôtel Vouimont, elle avait résolu d'éviter de son mieux toute rencontre nouvelle avec Chérency, dans l'intérêt du repos de Nadia. « C'est dommage, » pensa-t-elle, « c'eût été un charmant ami. Et que supposera-t-il, s'il voit que je l'évite, comment faire ?» Les choses ne s'arrangèrent hélas que trop facilement. À peine entrée chez elle, Claire reçut des mains de sa femme de chambre une dépêche l'appelant à la prairie où son mari venait d'être frappé par un mal subi. Elle se mit en route dès le lendemain. 15 jours plus tard, elle était veuve.